Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durus al-Madina, al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj, au Yémen. Cours numéro 27, première partie. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله ندخل في الدرس 27 par 27 leçons qui elle est également une suite dans le sorf et aujourd'hui inshallah ça va être le apprendre à conjuguer الفعل الأجوف الفعل الأجوف est ثلاثي ثلاثي celui qui a trois lettres. On est depuis le début du livre, on n'a pas pris plus que ça. Et Adjouaf, c'est celui dont le Aïn, c'est une harf illa. C'est ou un waou, ou un alif, ou un ya. Comme qala, nama, ba'a, ja'a, ainsi de suite. Donc ce verbe-là, comment est-ce qu'il se conjugue? Et comment est-ce qu'il accepte, accepte le jazm et le nasb, ainsi de suite, et les dhamma ayal. Allez. Tuli takraman. Khalid. Allez. مدرس يقول متى جئت من جدة يا خالد؟ Quand es-tu revenu de Jeddah au Khalid؟ جئت أمس. نعم. Je suis revenu hier. أجا إبراهيم معك؟ Est-ce qu'Ibrahim est revenu avec toi؟ لا لم يجي بعد. سيجي اليوم أو غدا إن شاء الله. Donc il dit non, il n'est pas encore revenu. Donc quand on dit لم يجي بعد, c'est comme tu dis, comme si on disait لما يجي. On avait pris لما. Tu te rappelles? Quand tu mets لم et après le verbe بعدو, ça a le même sens que لما. سيجيء اليوم أو غدا إن شاء الله كما قلت. Il va revenir aujourd'hui ou demain إن شاء الله. أزورتا السفير. As-tu visité l'ambassadeur? Donc زورتا c'est le زارا يزورو. On va voir comment il se conjugue pareil. ذهبت إلى مكتبي. إلى مكتبي. ولم أجده. سمعت أنه لم يكن في جدة ذاك اليوم. Donc il dit j'ai été à son bureau et je n'y ai pas trouvé. J'ai entendu qu'il n'était pas à Jeddah. Donc Yakuna, ça vient de Kana. Le verbe Kana, Yakunu. On va apprendre aussi comment lui aussi se conjugue. Donc j'ai entendu qu'il n'était pas à Jeddah aujourd'hui. Ou ce jour-là. Vous allez s'accoul. Ya Adnanu, inna karibta usbu'ayn, fa aina kunta. Oh Adnan, tu as certes été absent deux semaines. Où étais-tu? Kuntu fil mustashfa, kuntu maridan jiddan, wallahi laqad kut. Il dit j'étais à l'hôpital. Donc Kuntu ça vient de Kana aussi pareil. C'est Kuntu c'est j'étais moi. Kuntu malidan jiddan, j'étais très malade. Wallahi laqad kuntu amut. Il dit par Allah j'ai presque failli mourir. La qad ça va venir qad c'est parmi les harf tahqiq qui veut dire qui affirme une chose. Et kuntu ça vient de kada ya kadu. On avait pris quoi le sens? Être sur le point ou faillir. Donc il dit kuntu amut. Et Amout, c'est de Mata Yamoutou qui veut dire mourir. Dans les siècles, Wallahi, ma'ariftu zalika, lam yakulli ahadun an innaka maridun, wa innaka fil mustashfa. Kif haluka al-an, la'allaka al-an ahsan. Il dit, par Allah, je n'ai pas su cela. Personne ne m'a rien dit, ou personne plutôt ne m'a dit que tu étais malade et que tu étais à l'hôpital. Comment vas-tu maintenant? J'espère que tu vas mieux, ou que tu es mieux. Ouais, maintenant. Non, maintenant. Alhamdulillah, ana al-an ahsan, walakinnani la azal dha'if. Donc il dit, là, j'étais Allah, je vais mieux maintenant, je suis mieux maintenant. Cependant, je suis toujours faible. La azal, on a pris, c'est-à-dire quoi la azal, c'est je suis toujours, je n'ai pas cessé. Donc allez, c'est cool. Shafa'ak Allahu, shafa'an kamila. Ya Othman, inaka aibta kathiran. Aibta yawman fi hadha al-usbu' wa thalatha ayyamin fi al-usbu' al-madi. La yanbaghi li talibin an ya'iba kathira. Donc il dit, Dora en premier, qu'elle te guérisse d'une guérison complète. Oh, Othman, tu es certes absenté, beaucoup absenté. Tu as été absent deux jours cette semaine et trois jours la semaine dernière. Il ne convient pas à l'étudiant de beaucoup s'absenter. لم أغيب ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي كما قلت إنما غبت يوما واحدا فقط. Non. Donc il dit, je n'ai pas été absent trois jours comme la semaine dernière comme tu l'as dit. J'ai juste été absent un jour, un seul jour, c'est tout. Et là, quand on dit la innama ribtu, quand on dit innama, c'est seulement, juste. Tu vois, c'est pour le mettre une limite. Et fakat, c'est connu, c'est tout, ça veut dire, c'est tout. Mon adresse, cool. La takzib, ya Ari. Inna karibta l'yom es-sept, wa yom es-sulasai, wa yom el-arbi'a. Donc il dit, ne mens pas, ô mon frère. Kaziba, yakzibo. Kazab, yakzibo, c'est mentir. Tu as certes été absent samedi et mardi et jeudi. Non, et mercredi, après. Arbi'a, c'est le mercredi. أنا آسف يا أستاذ، لن أغيب في المستقبل إن شاء الله. Je suis désolé au professeur, je ne m'absenterai plus dans le futur, Inch'Allah. Non, laisse cool. Koum ya Adam, atanem ou fil fasl? Dis, lève-toi, Adam, dors-tu en classe? Nama ya namou, c'est dormir. أنا آسف يا أستاذ. غلبني النوم لأنني ما نمت البارحة. Il dit, je suis désolé au professeur, le sommeil m'a gagné. Car je n'ai pas dormi hier soir. Dans les la cool. Lima lam tanem. Pourquoi n'as-tu pas dormi? كان بي صداع شديد فلم أنم بسببه. Il dit, j'avais une grosse migraine. Et donc je n'ai pas trouvé. Donc je n'ai pas dormi à cause de cela. Qu'un habit, c'est quand tu as été touché par une maladie, par exemple, tu dis pas qu'un habit ou quoi, tu dis qu'un habit. Vous voyez, soudaire ou je sais pas, ishal qui veut dire une diarrhée ou imsak qui veut dire une constipation, ainsi de suite. Les maladies sont pas comme ça. Yarinu jarasu fa yakumu mudarris. Donc la cloche retentit et le professeur se lève. Saïd, tu vas dire. يا أستاذ، أنا أريد أن أزورك اليوم بعد صلاة العصر. Il dit au professeur, je voudrais te visiter aujourd'hui après Salat al-Asr. C'est cool. Zurni raden, fa'inni mashghoulun el-yom. Donc il dit, visite-moi demain, car je suis certes occupé aujourd'hui. Mashghoul, c'est occupé. Ma fouma là? Non. Tamadou, fou l'ajib an asil al-atiya. Bon, adil asil al-atiya. Comme on dit, Inch'Allah sera pour raden. Taïeb, fa'inni mashghoul. هذه أمثلة للفعل المعتل العين. Et ce fil-là, ce verbe-là, il s'appelle quoi? El ajwaf. À la base, une chose, ajwaf, ajwaf, c'est quelque chose de creux. Vous voyez, ajwaf, ça veut dire creux. Et le mu'tal el ayn, c'est-à-dire celui dont le ayn, c'est un haf illa, c'est-à-dire soit un lif, soit un waw, soit un aya. Donc là, il donne des exemples. Qala yakulu. Kale, ça veut dire dire. Yakoulou, c'est le mudari. Yakoulou. Donc regarde bien Kale. Le kof, c'est le fa. Le alif, c'est le ayn. Et le lem, c'est le lem. Donc regarde le ayn, c'est quoi comme lettre là? Un alif. Vous voyez? Et pareil. Yakoulou. En vrai, si on dit Kale, c'est quoi le wazn de Kale? Le vrai wazn de Kale. Un wazn. Il est sur quelle mesure? Regarde bien et réfléchis bien. Kale. À la ay wazn. À la wazn, faire là. Parce que le alif est sakin, il n'y a pas de harakat. Tu vois ce que je veux dire? Le alif, il n'a pas de harakat. C'est pas faire là. Vous voyez, le alif, il y a une soukoun, donc tu dis faire là. À la wazn, faire là. Et yakoulou, à la ay wazn. Regardez, c'est Yafourlou. Vous voyez, le ya c'est le ya, le kof c'est le fa, donc fou, le waou c'est le aïn, mais les sakin c'est le soukoun, et le lem c'est le lem. Donc tu dis quoi? Yafourlou. Normalement ce serait Yafourlou. Normalement on dirait comme ça, Yafourlou, tu vois. Mais là le adjouaf il est spécial. Donc en vrai là son wazn, sa mesure c'est Yafourlou. Vous voyez, Yafourlou. Kana yakounu. Kana ma'louf, ça veut dire être. Zara yazuru, visiter. Qama yakoumu, lever, se lever. Zaqa yazuku, c'est goûter. Tawfa yatoufu, c'est tourner. Sama yasumu, jeûner. Dara yaduru, tourner. Taba yatoubu, se repentir. Bala yaboulu, ça c'est uriner. Donc ça c'est quoi le hajwaf? Dont le ayn ou mudalir, ça devient waouh. Vous voyez, ça devient waouh. On m'a dit c'est un alif, Et mon doigt lié se transforme en waouh. Pourquoi il se transforme en waouh? Ça, c'est une illa sarfia qui s'apprend dans les couples de sarf. Là, c'est pas le niveau de ce livre-là. Là, c'est juste du par cœur. Là, il faut apprendre par cœur. Et pourquoi le alif devient waouh? Ça vient à l'origine du mot. Il faut revenir à l'origine du masdar, comment ça se transforme en waouh. Ça, c'est dans Fatel Wadud, par exemple. Tu l'apprends. Après, le deuxième genre de adjouaf, celui dont le aïn devient un ya dans le mot d'alia. Comme ja'a yaji'u. Donc ja'a, il a quel wazn? Comme qu'alé. À la wazn, fa'la. Et yaji'u, il a quel wazn? À la wazn, yafi'lu. Voyez, yafi'lu. L'autre c'est yafu'lu, on a pris au-dessus, celui-là c'est yafi'lu. Donc ja yaji'u, ça veut venir, ja c'est marlou, ça veut dire venir. Ba'a yabi'u, qui veut dire vendre. Sara yassiru, qui veut dire avancer, évoluer, se déplacer, marcher aussi. Asha yaishu, qui veut dire vivre. Kala yakilu. Kala, c'est prendre des mesures d'un kail. C'est une mesure spéciale. C'est un peu proche de wazana, sauf que c'est un truc spécial. C'est pas que le poids, c'est qu'une mesure. Ça, c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie, c'est celui dont le aïn devient ou reste un alif au moudoualia. C'est un alif au mardi, c'est un alif au moudoualia. Comme nama yanamu, qui veut dire dormir. Donc nama à la waz, fa'la. Et yanamu à la waz, yafa'lu. Yep, yafa'lu. Khafa yakhafu, avoir peur. Kada yakadu. On avait dit quoi? Ça veut dire être sur le point ou faillir. Quand c'est au moudoualia, c'est être sur le point, et quand c'est au mardi, c'est faillir. Mazala la yazalu. On l'a déjà pris celui-là, c'est être toujours, ne pas cesser, ainsi de suite. Donc il dit, tiens, tu vas lire les exemples qu'il cite là maintenant. T'as Amel Mayali, médite ce qui suit. Donc là, il va te montrer quoi? Ce fil adjouaf, on m'en dit quand il est attaché au Damir. Comment tu dis? Quand tu es quoi au Jamara, ou le Niswa, ou avec tel fa'il, et ainsi de suite. Tfadal. Hamid Khala. Non, Hamid a dit. الطلاب قالوا نعم كلا يعني ما جوز مي واو جماعة على فا يا بس تخص سبيشال آمنة آمنة قالت نعم ما جوز مي تاف تاني ساكنة الطالبات قلنا نعم donc regarde là قلنا il s'est passé quelque chose il manque une lettre voyez c'est quoi qui s'est passé le alif il est tombé voyez et le kaf il a pris une damma. Pourquoi le alif il est tombé? Regarde, au-dessus on a dit et tout les qalou avec un alif. Et en bas on a dit le talibat kulna. Normalement on aurait dû dire quoi? Kulna. Mais il s'est passé un changement. Donc premièrement le alif pourquoi il est tombé? Tu te rappelles la cause? Tika sakine. Pour pas que le alif il a une soukoun, il se rend compte avec le lem qui vient derrière qui est le même une soukoun. Donc comme on n'a pas le droit, c'est la lettre half illa qui tombe. C'est le alif ou le wa ou l'ya qui tombe. C'est une lettre qui est faible, comme tu l'apprendras en sarf. Et pourquoi le kaf il a pris une damma? Ça c'est une ila sarfiya qui revient à la lettre qui est au moudo alia, qui est le waou. Ça, Inch'Allah, c'est pas vraiment le sujet du ders. Celui qui connaît Kala, il apprend par cœur, c'est tout, il sait qu'on dit comme ça. Et plus tard, il apprendra les règles, Inch'Allah. Tfaddal. Anta qulta. Naam. Antum qultum. Donc, tu as dit et vous avez dit. Donc la kulta, ça fait comme kulna. C'est la même chose. Le alif il est tombé parce qu'il y a une rencontre avec le lem qui lui-même est le sukun. On n'a pas le droit de faire rencontrer de le psakin. Et le kof il a pris une damma pour une cause qui est liée au sauf qui revient à l'origine du mot au mot d'alif qui est un waouh. Et atum kultum c'est pareil. C'est la même chose. Tfaddal. Tu as dit toi une femme et vous avez dit vous des femmes. Donc là c'est pareil, c'est le même sebeb, pourquoi le alif est tombé, pourquoi c'est une dhamma qui est venue. Naam. Ensuite. Ana qultu. Naam. Nahnu qulna. Naam. J'ai dit et vous avez dit. Et là c'est pareil. Donc en général, tayeb, dans le verbe mardi, le adjouaf, le haf illa, à part avec qala et qalu, et à part avec waw jama'a et avec huwa et avec hiya, le aïn y tombe. Le aïn y tombe. Rabian, yakul, asnid, kama, wazara, wakana, il est le damma'ir, kama, fit tamarin, et sabir. Donc, tu prends Kama et tu fais comme on a fait avec Kala. Tu prends Hamid, tu prends Touleb, ainsi de suite, et à la place de Kala, tu mets Kama. Tfadol. حامد قام Nam. الطلاب قاموا Nam. آمنة قامت Nam. الطالبات قمنا كمنا. نعم احسنت. أنت قلت أنت قمت كمت. أنتم قمتم نعم. أنت قمت أنتن أنتن قمتن أنا قمت نحن قمنا طيب fais le كان كان aussi. On va laisser Zahra, c'est pas la peine. On va prendre كان. حامد كان نعم. الطلاب كانوا نعم. آمنة كانت نعم. الطالبات ما في شيء على وزن فولا فولنا بتو على وزن فولنا كنا كنا أيوة نعم كنا أنت قول أنت لا ها قلت لا أنت يعني أنت أنت كنت كنت أنتم كنتم نعم أنت كنت نعم كنتن كنتن نعم أنا كنت نحن كنا Non. Donc tu vois quoi, regarde. On va reprendre avec Kale. Hamid Kale, Kale elle a quel wazn, quelle mesure? Fa'la. At-tulab Kalu, à la wazn, fa'lu. Vous voyez? Aminatu Kalet, à la wazn, fa'lat. At-talibat Kulna, à la wazn, à la wazn. At-talibat Kulna. C'est la ay wazn. C'est quoi le wazn de kulna? Fourla. Fulna. Vous voyez? Fulna. À la wazn, fulna. Anta kulta, à la wazn, fulta. Antum kultum, à la wazn, fultum. Anti kulti, à la wazn, fulti. Antunna kultunna, à la wazn, fultunna. Wand ana kultu, à la wazn, fultu. Wanahnu kulna, à la wazn, fulna. Donc là, dans tous ces verbes-là, à part avec wa, avec hum et avec hiya, le ayn il est tombé. Tayeb. Khamisan, ikrama yali. Lis ce qui suit. Tfaddal. Et tarjim, inshallah, les jumelles. Zurna al-mudarris al-jadida al-bariha. Non. Nous a visité hier. Là. Si, nous a visité. Là. Nous avons visité le nouveau professeur hier. Ah, d'accord, non. ذقت هذا الطعام يا أخي نعم ذقته ووجدته لذيذا جدا نعم as-tu goûté cette nourriture mon frère نعم oui je l'ai goûté je l'ai trouvé très bon نعم très bonne donc ذاق يذوق c'est comme قال يقول et ذقت c'est comme on a dit أكلت et ذقت c'est tu as-tu goûté et ذقته c'est comme tu disais قلته je l'ai dit et ذقته je l'ai goûté نعم ثالثا ذهبت إلى مكة وطفت بالكعبة نعم je suis parti à Mecca à Mecca et j'ai tourné autour de la Kaaba نعم صمنا يوم الاثنين oui nous avons jeûné deux jours hein là اثنين نعم نعم le lundi نعم c'est ça ماذا قلت لحامد يا أحمد ما قلت له شيئا ايوه يعني كاتو جي Qu'as-tu dit? Qu'as-tu dit? Qu'as-tu dit? Ahamia ya Ahmed, je lui ai rien dit du tout. Non. Meta kumtu min al-yawm ya abana'i, qumna qabla adhan al-fajr. Yani, combien avez-vous. Maintenant, quand est-ce que vous êtes levé de votre sommeil? Yani, du sommeil? Pour mes enfants, mes fils, Nous sommes levés avant l'appel, avant l'aven du Fajr. Non. Bah, la teflo, fille Thaoubi, l'enfant a uriné sur mon habit. Non. Toubtou il Allah, et je me suis repenti à Allah Azzajal. Kuntu mut'haban il yom. فلم أذهب إلى المدرسة Yani j'étais malade hier, Fatigué, on va dire. fatigué. Moutab, c'est fatigué. Hier, je suis Non, reparti. c'est pas hier. Aujourd'hui, je suis pas parti à la madrasa. Hmm. زارني صديقي أمس وزرته اليوم. Non. يعني mon ami m'a visité hier et je l'ai visité aujourd'hui. Donc là, on a vu quoi? Le mardi. Vous voyez? Faire à jour avec Allah. On a vu au mardi, mais maintenant, on va voir le Moudalia. Comment on fait au Moudalia? Il dit, Ta'amel Mayali. Hamid Yakoulou. Hamid dit. Donc là, Allah, c'est devenu quoi au Moudalia? Yakoulou. Le Alif, c'est devenu un waouh. Vous voyez? At-tullab, Hamid Yakoulou, ala ay wazn, Yafoulou. طيب حامد يفعل الطلاب يقولون طيب les étudiants disent à la وزن يفعلون أمينة تقول أمينة دي على وزن تفعل الطالبات يقولن donc là regarde c'est comme on m'a dit les trois premiers avec هو avec هم et avec هي le عين reste parce qu'il n'y a pas de تيكول ساكنين le عين reste c'est le واو Maintenant, avec les autres, tu vas tomber. Tu dis, et talibat, yakulna. Vous voyez, les étudiants me disent, et yakulna la waz, yafulna. À la waz, yafulna. Anta takulu. Là, il revient. Vous voyez, anta takulu, toi, tu dis, le waw, il est revenu. Vous voyez, parce que voilà, là, il n'y a pas d'eltiko sakinain, il n'y a pas de rencontre entre deux harf sakin. Antum takulun. Vous dites, là pareil, le waouh, le ayn, qui est le waouh dans le verbe, il est toujours là. Il n'y a pas de tikos qui reste. Anti takulina. Toi tu dis, à la parole d'une femme. Antunna takulna. Donc là, le ayn, il est retombé. Le waouh, il est retombé. Pourquoi? Parce qu'on a le lem qui est une sukun. Ana akul. Je dis. Le waouh, il est revenu. Le ayn, il est revenu. Nahnu nakoul, pareil, il est revenu. Il tombe pas là. Donc le moudali, il a un wazn. Ana akoul masalen, elle a wazn. Afoul. Nahnu nakoul, nafoul. Ainsi de suite. Yakoul, asnid, yakoum, wayatouf, l'el damaïr, comme fil tamarin, elle sabia. Quand tu fais pareil là, comme on vient de dire, à la place de kala, tu mets kama. Et après, tu prends tofa. حامد يا قمر نعم حامد يقوم نعم الطلاب يقومون نعم آمنة تقوم إيه؟ آمنة تقوم نعم الطالبات تقمن يا يا C'est pas ça. Ya. Yakumna. Madame Yakumna. Hmm. Antum takoulou takoumoun. Anti takoumin. Antunna takoumna. Ana akoum. Nahnu nakoum. Non. Maintenant, tu fais pareil que Tawfa. Hamidun yatouf. الطلاب يطوفون آمنة تطوف الطالبات تطوفن أنت تطوف يطوفن يطوفن نعم أنت تطوف أنتم تطوفون أنت تطوفين أنتن تطوفن أنا أطوف نحن نطوف طيب أحسنت ثامنا إكرام يلي دونك لا يدنس ليزومبل افيك لو فيرب اجوف ومدوريا تفضل تقرا وترجم سي توجور اك لو سولي دون لو عين سا واو مدوريا انا ازورك وانت لا تزورني يعني مو جو تو فيزيتري و تو تو مي فيزيتيرا با لا سي بلوتو مو جو تو فيزيت و تو تو مي فيزيت با يطوف الحجاج بالكعبه يعني لي بيلغان تورنو تور لا كعبة نعم ماذا تقولين يا أمي يعني كيس كو تو دي او ما مير. اريد ان اكون مدرسا يعني جو فودري اتر بروفيسور. البنات يزرن خالتهن كل اسبوع يعني les filles non. Elles visitent leur tante hein, tous les semaines. Non. قال الطلاب للمدرسهم يا أستاذ يا أستاذ نحن نريد أن نزورك غدا. يعني les étudiants disent à leur professeur oh professeur nous voudrions te visiter demain. طيب. Maintenant, il passe une autre étape. Il va te faire comprendre comment conjuguer ce verbe lorsqu'il est majzoum. Parce qu'il y a harf jazm qui rentre comme l'aim, ou l'anahi, ou ainsi de suite. Il y a un changement qui se produit aussi à cause de la rencontre de deux etsakim. Il dit Yakoulou. Vous voyez, donc là, il n'y a rien. Yakoulou, moudalir, là, il est mal fort. Il y a un spécial. Le waou qui est le aïn est présent. L'origine, si tu rentres l'âme, tu vas dire l'âme yakoul. L'origine, c'est quoi? C'est que le waou il reste et que le l'âme il prend le sukun. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant? Il dit quoi sakinein? On a la rencontre de l'âme sakin. Donc une âme qui doit tomber. C'est laquelle qui tombe, on a dit, c'est la harf ella parce qu'elle est le plus faible. Donc on fait tomber le waou. On fait tomber le waou et on dit quoi? L'âme yakoul. Taïeb, l'âme yakoul. Bidun waou. C'est toujours le mot à lire. Majzoum avec l'aim, sauf que là le waou il est tombé à cause de quoi? La illa, la cause c'est el tika sakinei. Et lam yakoul elle a aywazn. Lam yafoul. Lam yakoul c'est la wazn, lam yafoul. Il dit atril lam ala l'afal atia wazbut ha bishakl. Donc rentre l'aim dans les verbes suivants et mets les bonnes harakat. De mon compte tu vas juste lire. Prononce bien de sens qu'on voit qu'il n'y a pas de med. Qu'il n'y a pas de hafa'il. Non. Tfaddal. Yakounou. Comment tu vas dire? Lam yakoun. Lam yakoun. T'as un exemple d'un verset connu? Où il y a ça? Lam yakoun. Lam yakoun illadina kafar. Ahsant. Lam yakoun illadina kafar. Min al-kitab. Yakounou. Yakoum. Lam yakoum. Lam yakoum. Yaboulou. لم يبول لم يبول يزور لم يزور يصوم لم يصوم يتوب لم يتوب نعم هذا سهل هذه عشر أجيب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا لم donc réponds question suivante par la négation en utilisant لم. La première question أزرت المدير يا علي as-tu visité le directeur ou علي. لم أزور المدير. نعم. Tu peux dire لم أزور لم أزوره. Pour faire un اختصار. Donc non, je n'ai pas visité. ثانيا أقام أخوك من النوم. Est-ce que ton frère s'est réveillé du sommeil? لم يقوم أخي من النوم. Mon frère ne s'est pas réveillé. Ne s'est pas levé du sommeil plutôt. Parce que réveiller c'est plutôt استيقاظ. Réveiller c'est استيقاظ. Et قام c'est se lever. ثالثا أبال الطفل في قميصك. Est-ce que l'enfant, le petit enfant, a uriné sur ton kamis? Lam yaboul el tifl fi kamisi. L'enfant n'a pas uriné sur mon kamis. Rabi'an. Assumta amsin ya. Assumti afwan. Amsin ya Aïchatou. As-tu jeûné hier ou Aïcha? Lam assum ams. Non, je n'ai pas jeûné hier. أكنت في الفصل في الحصة الأولى étais-tu en classe lors de la première séance? أكنت في الفصل في الحصة الأولى. نعم, je n'étais pas en classe dans la première séance. أذقت هذا الطعام أو أذقت هذا الطعام يا أمي as-tu goûté cette nourriture ou ma mère? لم أذق هذا الطعام. نعم, je n'ai pas mangé cette nourriture. Je n'ai pas goûté plutôt. أقلت هكذا يا عمر as-tu dit comme cela ou عمر? لم أقول هكذا. نعم, je n'ai pas dit comme ça. أعاد أخوك من الرياض يا سلمى. Est-ce que ton frère est revenu de Riyad ou Salma? لم يعد أخي من الرياض. Mon frère n'est pas venu de Riyad. أتوفت بالكعبة يا أخي. As-tu fait les tours rituels autour de la Kaaba, ou mon frère? لم أطوف بالكعبة. Je n'ai pas tourné autour de la Kaaba. عشيراً. أكنت مريضاً في الأسبوع الماضي. Étais-tu malade la semaine dernière? لم أكن مريضاً. لم أكن مريضاً في الأسبوع الماضي. نعم. Je n'étais pas malade la semaine dernière. حادي عشر. أمات الكلب. Est-ce que le chien est mort? لم يموت. لم يموت الكلب. Pourquoi on a mis une كسرة? Pareil pour Tico Sakin entre le T et le Alif Olam qui vient du كلب. لم يموت الكلب. Comme ça on dira. طيب. Maintenant il va t'apprendre à quoi? Dernière partie. À faire le أم. L'impératif de ces verbes-là. Toujours avec le fil Adjouf. طيب. Celui dont le rhyme c'est un waouh. Sani Achar, il dit, « T'amène ma yali. » Donc là, c'est le fil am. Il dit, « T'akoulou. » Ça, c'est « tu dis. » Quand on fait le am, on enlève le « t ». Ça, c'est « marlouf. » Vous voyez? On enlève le « t ». Donc, ça veut dire quoi? Tu veux dire quoi? « Koul. » Le problème, c'est que là, on a le « waw » qui se rencontre avec le « lem ». Le « waw » est « sakin » et « lem » est « sakin ». Donc, on va dire quoi? « Koul. » Le « hafirillah » il tombe. Comme dans « avec le jazm ». Le « waw » il tombe. Pour quelle cause? L'itika sakinei. La rencontre entre deux lettres sakin. Donc tu dis quoi? Kala yakoulu. Le am. Pour toi, tu dis kul. Alawaz, full. Tu vois? Alawaz, full. Donc il dit. Sors el am min la fal atiya. Donc il dit quoi? Constitue l'impératif des verbes suivants. Tasumu. Comment tu vas dire? Le am. La am. Ah, tu parles du am. Non. Sum. Non, en fait. Takumu. Kum. Takunu. Kun. Tazuru. Zur. Non. Tatufu. Taoudu. Tatubu. Tazuku. Non. Donc ça, c'est avec enta. Il n'a pas mis le am avec les autres de Maïr. Ikram Mayali, lis les phrases suivantes. Il donne des exemples avec du. Zorni Radania Mahmoud. Allez, visite-moi demain au Mahmoud. Non. Oui, Bada Sa'a. Allez, reviens après une heure. Koumin Huna. Wajilis Hunaka. Allez, lève-toi ici. Et assis-toi là-bas. Soum Radan. Allez, jeûne demain. Dour Hada Ta'ama, ya Akhi. Allez, goûte cette nourriture, mon frère. Tobil Allahi, ayyuha al-Muslim. Yani, repends-toi à Allah, oh Muslim. Ô toi le Muslim. Hein? Ô toi le Muslim. Ayyuha, ça serait plutôt par ô toi. Ou la yafhamu al-Arabiya. Qul lahu hadha kalam bil lughati. Yani, lui, il ne comprend pas l'arabe. Dis-lui cette parole, yani, dis-lui cette parole, par sa. Ni par sa langue. Non, avec sa langue. Ou en sa langue. En sa langue. Tof bil Kaaba, yani tourne autour de la Kaaba. Là, bil Kaaba, ouais, ça traduit par autour. Le bil de Kaaba, il traduit par autour. Il sort de son sens d'origine. Parce qu'on pourrait croire, tof bil Kaaba, on pourrait croire que c'est quoi? Tourne par la Kaaba ou avec la Kaaba. Je sais pas comment ils disent en français, il y a un mot là. Circumambulation. Ils sont partis trop loin. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لله المشرق والمغرب. يعني الله سبحانه وتعالى a dit à son messager صلى الله عليه وسلم, dit Allah, c'est Allah qui appartient, c'est Allah qui appartient le vent et le couchant, le vent et le couchant. Dernière partie maintenant, c'est lorsqu'on rentre la nahia, celle qui le half jazm qui interdit de faire une chose. Et c'est comme l'em, c'est la même que l'em. On va voir le tikwa sakinein, voyez, entre le ayn et le l'em, donc qu'est-ce qu'on fait? Le ayn il tombe, il n'y a rien de nouveau. Donc il dit, t'amènes ma yali. à la base, le verbe takoulou, c'est tu dis. Donc là, maintenant, on veut que tu dises tu dis pas. On veut interdire. Donc tu dis quoi? La takoul, c'est l'origine. La takoul. Cependant, on a encore une rencontre entre le waou, qui est le haïn du verbe, avec le lem. Tous les deux, ils ont le sukun. Donc on fait quoi? On fait tomber le haïn, le waou. Donc on dit quoi? La takoul. Comme lem takoum. Même règle qu'avec lem. D'ailleurs, c'est la même règle qu'avec lem. Tu dis la takoul. Donc il dit atri la nahia à la fale atia. Rentre le la nahia dans le verbe suivant. La tazur. La tazur. La taqum. La tasum. La tatouf. La taboul. Non. Très bien. Et pour terminer, Sabir Achar, il dit ikram ayali. Lis les phrases suivantes, traduis-les, Inch'Allah. La taqul hakada, ne dis pas cela. La tazur. Ne dis pas comme ça. Ne dis pas comme ça, hein. La tazuruni fil masa. Ne me visite pas dans la nuit. La tatouf bil qubur, ne tombe pas autour des tombes. La tasoum el yawm el aïd, ne gêne pas le jour de la fête, yawm el aïd. La takoun kaslana ya walad, ne sois pas paresseux, ou enfant. La takoum el hunar, ne te lève pas d'ici. Donc c'est ma femme, ça le fait ajouaf. C'est lui dont le aïn, c'est harfa illa. Aujourd'hui, on a pris celui dont le harfa'ila, c'est un waou moudalia. Un alif au mardi waou moudalia. Et demain, on prendra ceux qui sont avec aïa et un alif. C'est les mêmes règles. Vous voyez, c'est les mêmes règles. Pas faux, Mana. C'est là, voilà. Alhamdulillah.